Assis face à la mer, seul sur cette terre, tu n'as pas de frontières dans cette traversée du désert. Don't.